R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement toujours de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Érigé, www.érigéfm.fr et aussi sur les ondes hertziennes 90.7 sur Bordeaux. Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous, aussi nombreux autour de votre petit poste ou voilà, autour de votre ordinateur pour écouter cette émission. Vous pouvez aussi écouter dans la voiture, bien sûr, on peut écouter dans la voiture cette émission de Johnny de A à Z. Et puis aussi, n'oubliez pas, hein, les podcasts, venez sur iTunes, vous allez chercher Johnny de A à Z, yep, vous avez plus de 30 émissions qui sont affichées dans ce podcast. Voilà, mais ce soir, sinon, premier mercredi du mois, qui dit premier mercredi du mois, dit évidemment émission live. On va retrouver Johnny Hallyday en concert, bien entendu, mais lors de concerts chantés au mois de juin. Donc, on va penser à son anniversaire, hein, mais aussi, il y aura d'autres dates qu'on va retrouver. Pour la fête de la musique, par exemple, on va le retrouver lors des tournées des Vieilles Canailles. Aussi en Suisse, en Belgique, pardon, on va le retrouver. Et puis aussi à Carpentras, qui sera le premier titre de la soirée. Johnny Hallyday, qui était président d'un rassemblement de motards à Carpentras en 1994. Et exactement, Johnny donnera un concert à l'hippodrome de Carpentras le 4 juin 1994. Il avait chanté 5 titres, « La musique que j'aime », Bebop Lula, Tutti Futi, Walla Shaking Going On et un autre que j'ai oublié. Mais on va écouter tout de suite la musique que j'aime. Êtes-vous prêts pour 2 heures d'émission avec Johnny Hallyday? Oui! Eh bien alors, on est parti tout de suite en 2 heures. Installez-vous le bien, appelez encore tout le monde hein, s'il y en a qui manque à l'appel. Voici Johnny Hallyday à Carpentras. Et c'était présenté par son ex-femme Adeline et puis aussi par Sophie Favier. Sophie Favier et Adeline ont une surprise pour vous. La musique que j'aime. toujours jamais les mêmes pour exprimer ce que je veux. J'y mets mes soirées, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient bleu. Je le chante autant que je l'aime, je le chanterai toujours. Et elle entend sur les guitares. Pour chanter les peines et les espoirs, chanter Dieu et puis l'amour. La musique qui moi chante les doigts. Mais tout ça, ça le même plus. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares. Et la joie, je le jure. Pour chanter les peines et les espoirs. Chanter Dieu et puis l'amour. Mais c'est que le plus. Le groupe de Lolo et Paul Persson. J'aimerais quand même faire, avant de continuer, une annonce parce que pour ce rassemblement, les bandidos nous ont quand même beaucoup aidé. Je voudrais vous annoncer qu'ils font... Ils font un rassemblement à Harley Davidson le 24, 25 et 26 juin à Cessé-sur-Tille, c'est-à-dire à Dijon. Alors, soyez nombreux, on y sera tous. D'accord ? Et puis bon, je suis pas venu pour chanter, mais on va continuer. Bien sûr qu'on continue avec John Hallyday au Palais des Sports, ma présent. 2006, c'était lors de sa première... Lors de la première du 2 juin 2006, avec le titre « Je suis né dans la rue ». avec Eric Jean-Jean et oui, Anthony Martin. Et moi, Eric, sur oui, RTL. Oui, j'y étais. Non, j'y étais pas. Non, celui-là, j'y étais pas. Oui, c'était diffusé, la première de Johnny sur RTL. Et là, on retrouve Johnny Hallyday. Le 15 juin 2003, c'était sur TF1 avec le titre « Je veux te graver dans ma vie » qu'on a écouté tout à l'heure, la version originale des Beatles dans l'émission de Thierry, la saga Alpha Port. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autoroute, je l'ai subie, il a fallu que je te trouve là. Soudainement, je suis tombé et comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne le sens pas, tu restes ici. Je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. J'aime courir, et quand tu viens, je veux rester. Moi, je suis sincère, je veux courir. Si tu ne veux pas, pas à tout ça. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. La section cuivre, ce sont les Van Street Arms. Et là maintenant, on quitte le Stade de France, non, le Parc des Princes, pour aller à la place de Trocadéro. Johnny, c'était lors de la fête de la musique le 21 juin 1991. Johnny est venu de faire à la place de la République la fête de la musique. Et après, il est allé interpréter trois titres là, sur la place de Trocadéro le 21 juin 1981. Le voici avec Diego. Deux titres, pardon, mais uniquement Diego et Gabriel. Et Diego, il a reprise deux fois. C'est si fort. Dehors, il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. We'll be right back.

Du Parc des Princes, on passe au Stade de France. De 93, on passe à 2012. On va écouter une suite. Johnny Hallyday et ce titre, Deux étrangers. C'était le 15 juin 2012 au Stade de France et diffusé par RTL. Perdu à chacun notre jeu et à toi ton jaloux. Une ambiance finalement très années 60 pour cette version de Deux étrangers avec Johnny qui nous a tout fait. Il s'est roulé sur scène dans un corps à corps avec son pied de micro. Et puis ces trois choristes qui semblent toutes droit sorties de l'époque des Raillettes. Vous savez, les choristes qui accompagnaient Ray Charles, elles sont en mini-jupe lamée argent juste derrière Johnny avec ce décor et des projections de cubes bleus très pop finalement. Voilà, ça c'était sur RTL. Et voilà, seul au beau milieu de la lac, la première fois que Johnny chantait ce titre inédit sur la scène du Palais des Sports 2006. J'attends. Dans la brise du devenir et le souffle du désir, en levant. Bateau qui craque sur l'océan, sur ma flaque. Oh, j'attends que les hommes me fassent moins peur et qu'ils renaissent en moi mon cœur. Dans les villes, loin des foules imbéciles, j'attends. Je fuis dans mon rêve au coin d'un bois, pendant que les hommes n'y sont pas. Mais je suis un peu rebelle, un peu poète. Et qui se noie sans idéal et sans joie. J'attends. Oh, la brise du devenir et le souffle du désir, le vent. Que renaisse en moi mon cœur d'enfant. 4 concerts du mois de juin, cet été au Théâtre de Paris, dans la nuit du 15 au 16 juin 2013. Johnny Hallyday, avec le titre de 1969, Réclamation sur RIG. Cadeau, c'est pas pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang, ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je veux quoi de ce monde-là. t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né. Enfin, on va retourner au Stade de France en 2012. Attention, c'est un bootleg, c'est un petit pirate. Vraiment plaisir de fêter mon anniversaire avec vous ce soir. C'était le 12 juin 2012. C'est un long chiffre, 69. Il paraît que c'est un chiffre érotique. C'est justement pour parler d'érotisme. Je connaissais l'histoire du paysan de Mouchinari. Nous avons une fille. Ça peut nous suivre. 20h, le Stade de France revient au Parc des Princes en 1993 avec le second medley de ce concert. Vous écoutez Érigé, la radio de Junaïdé, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Je consens avec mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Génération en vue à la terre entière. Le long des routes, il ne trouve que la misère. Tes joies sont en or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Ton père t'a donné, que ton père t'a donné, et que ton père t'a donné. En plein gaz, il faut s'agir dans la vie, de ne pas marcher au ralenti, pour gagner je prends tous les raccourcis. Si je gagne un jour, alors vous direz, il est à tout casser. Il est à tout casser. présente son 1989, le 24 juin 1989, pour l'émission Génération Rock'n'Roll en live. Et Johnny nous a interprété un petit medley avec Blue Suede Shoes à l'intérieur. Well, it's a one for the money, two for the show. Get it ready now, go get over, don't you? Say it for my blue suede shoes. Well, you can do anything, but don't step on my blue suede shoes. Well, you can take me down, step on my face, my name all over the place. All the thing that you want to do, honey, half of my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but step on my blue suede shoes. Well, let's make it. Scène de Bercy. Mais en 2013, le 15 juin exactement, Johnny fête son anniversaire, ses 70 ans. Le mois de juin est le mois d'anniversaire de Johnny. Donc nous avons des rendez-vous incontournables et de grands, grands, très grands souvenirs. Voici le titre d'ouverture de ce concert à Bercy. Avec Que je t'aime, suivi il y aura Gabriel et après L'amour à mort. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir. Tes cheveux s'éteignent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Dans l'ombre et la lumière, oui, dessine sur ton cœur des montagnes, des forêts. We'll Johnny en live ce soir sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Moi je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Ouais. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Disant le ciel sans voir le jour, c'était ma plus forçable amour. Et bonne chance à celui qui oui veut ma place. Hey! Disant le ciel sans voir le jour, c'était ma plus forçable amour. Tu sais, moi j'ai refusé. Esclave de ta chaîne. Dans la chaîne sauveur. entre vous et moi, c'est l'amour à mort. Quitter les siens, manque souvent de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage. Et je cours, et je cours, et je cours après l'amour. Plus grand, plus fort, et plus près de ton cœur. Dans les nuages, on n'a plus peur des mots, plus peur du grand voyage. Non. Toi et moi, et plus grand, plus fort. Et ça, c'est toute la musique que j'aime. Ce soir, j'aimerais saluer des gens qui sont proches de moi, que j'aime. Déjà, j'aimerais saluer Laetitia, ma femme. Faire un gros baiser à mes filles, Jade et Joy. Dire à mon fils David que je l'aime. Et à mon petit-fils, son fils, que je l'aime également. Voilà. Vous aimez le blues ? Johnny à Bercy en 2017 lors d'un de ses derniers concerts. C'était le 24 juin 2017 lors de la tournée des Vieilles Canailles. Voici le pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres galants finis. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. présent, on va retrouver John Hallyday à Bordeaux. C'était le 2 juin 2013. Il y en a qui s'en souviennent, ouais, ouais. Il y en a qui écoutent et qui s'en souviennent, ce concert-là. Ouais, ouais. On va retrouver Rock'n'Roll Man et aussi le titre Entre mes mains. Il est entré sur la scène de ma vie, dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris. L'envie qui dormait dans mon cœur. Je suis la Rock'n'Roll Man. Je le savais, je le sentais. Je suis un rock'n'roll man. On l'appelait le King of Rock'n'Roll. Il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom. Et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Je veux la danser, j'ai sans presque ses yeux. Je suis à la... Mais qui c'est qui crie? Mais qui c'est qui crie? Concert du mois de juin de Johnny Hallyday, concert en live sur scène, mais aussi on va passer, c'est oui, souvenir, et on va passer à la télévision. Ah, tiens, vous m'avez demandé ce titre-là. Il y en a une qui m'a demandé ce titre-là. Johnny à la télé, c'était le 22 juin 1974. J'ai pleuré sur ma guitare. Top à Johnny. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Et cette porte même pas où va ce train. Oui, j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Ce train. On revient de Johnny sur scène. Parc des Princes à nouveau, troisième medley de la soirée. Avec l'écho jusqu'à minuit, aussi dur que du bois, je suis seul. Johnny Hallyday en live. Les concerts du mois de juin donnés par Johnny. Les mots arrivent, oh oui, ça fait mal. Les coups, oui, qui a fait ta vivre, oh oui, ça fait mal. Avant de faire un homme d'un tout petit enfant, il leur faudra combien pour qu'il devienne un grand. Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les durs leçons de la vie. Mais ça fait trop mal, mal, mal. Comme une bête.

quitte le Parc des Princes. Johnny fêtait ses 50 ans en 1993. Et là, on va le retrouver maintenant en Belgique, à Spa, au Casino de Spa, en 1975, le 26 juin exactement. Avec deux titres, That's the Noël Brown et Little Des Jeunes. Vous écoutez Johnny tous les mercredis soirs, de minuit, de 22h jusqu'à minuit, évidemment sur RIG. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. En espérant que ces blagues que nous allons passer ensemble, vous allez vous amuser. Vous savez, moi je ne suis pas venu ici ce soir pour travailler. Hein. Je suis venu pour m'amuser moi aussi. D'abord, je préfère un petit retour en arrière en 1961. En 1961, avec une chanson qui commençait comme ça. Cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule. Toujours, j'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Vie d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Spectacle terminé, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis. Bien tout seul, je suis. Allez, un autre medley, 1993. Dernier medley du parc. Johnny fêtait ses 50 ans, c'était au mois de juin. C'est le thème de ce soir, les concerts du mois de juin donnés par Johnny Hallyday. Vous écoutez RIG, bien entendu, la radio Johnny, tous les mercredis soirs de 22h à minuit. Souvenir, souvenir, je vous retrouve mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Mais rien de belle danse, tout contre jus, dans les voies de nos vacances, nous faisons les fous. Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour regarder dans ma tête les plats de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste mes chansons. À même dire qu'il y en a, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Il vaut mieux le travailler au lieu de t'en aller chaler. Et c'est dire, un peu les filles, ils vont penser à ces conseils. À la fenêtre se met en merveille, je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère qui fumait. Laisse-les filles, oui, laisse-les filles, tu as bien tort d'avoir les milliers dans le ventre à moi. Laisse donc un peu les filles, laisse donc un peu les filles. Do you remember when things were really hard? Allez, petit retour à la salle du Théâtre de Paris. Avec le titre Dead or Alive, Johnny a donné dans la nuit du 15 au 16 juin 2013 pour fêter ses 70 ans. C'est un titre qui clôt ce concert, ce mini-concert. Et c'est l'avant-dernier titre de la soirée spéciale live du mois de juin. Hey, I don't like your hard rock hotel. Dead of a night, no sheriff. Dead of a night, no sheriff. 'Cause it's a hard road. Dead of a life, but it's a hard road. Bonsoir, je vous aime. Voici le dernier titre de la soirée. On revient au Palais des Sports en 2006 et Johnny terminer ce concert avec le titre de Jacques Brel, La Quête. J'ai choisi cette chanson parce que c'est un chanteur, auteur, compositeur que j'adore plus que tout au monde, c'est M. Jacques Brel. Son ami, c'était son ami. Et j'ai choisi à ma façon de lui rendre hommage en chantant sa chanson de Don Quichotte, La Quête. Génie sur RTL. RTL. Rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure. Cible étoile, telle est ma quête. Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours. Le bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, rien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, ça s'en écarte les. Sur cette émission Johnny de A à Z avec le thème des concerts que Johnny a donné pendant les mois de juin, durant les mois de juin, de toutes les décennies. Merci à toutes et à tous d'avoir participé activement à cette émission. Merci encore pour votre présence. Encore trois émissions Johnny de A à Z et on se retrouve donc la semaine prochaine, vous l'avez bien compris. À bientôt toutes et à tous. Ciao ciao. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.